À l'occasion du 64e anniversaire de la victoire dans la guerre de libération de la patrie, le ministère des Forces armées populaires a organisé le 21 courant une séance de film pour le corps des attachés militaires en Corée. Y étaient présents encore les officiers de l'armée populaire de Corée. Les participants ont vu le documentaire coréen « Manifestation de la frappe interarmée de l'armée populaire de Corée » consacré au 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée en présence du dirigeant suprême Kim Jong-un le 25 avril de l'an 106 de juillet 2017.